Les délégués du 7e congrès du Parti du Travail de Corée ont visité la maison natale du président Kim Il-sung à Mangyongdae, le cimetière des martyrs révolutionnaires du Mont Taesong, le haut lieu de la guerre de libération de la patrie, le musée du mouvement de la jeunesse, le palais des sciences et techniques, etc.